Elena se rendit directement à la place du marché. Quelques-uns montaient déjà leur étal. Elle s'adressa à un vieux, assis sur la margette de la fontaine, et lui expliqua l'accident. Ce fut le branle-bas dans le petit village en émoi. D'un long sifflement modulé, il appela les hommes, leurs mules et les chiens qui se trouvaient dans la douce vallée à faire paître les troupeaux. Des sifflements brefs se firent entendre en écho bien au-delà du petit pâturage. Rapidement regroupés, ils se mirent en marche. Arrivés à l'endroit marqué de pierre, ils tinrent un bref conciliabule, lançant des regards aigus vers les pentes grises. Le plus agile descendit tout droit la pente hors piste en petits zigzags et glissa successivement un chien sur les talons. Les quatre autres descendirent le col par la piste jusqu'avant la lisière des arbres, avec mules et chiens. Ils se séparèrent ensuite en deux groupes pour longer horizontalement la colline vers la droite, l'un en haut de la pente, l'autre plus bas. Une grande battue commençait. Les chiens, truffes en avant, avaient une longue pratique pour ce qui était de retrouver des êtres vivants coincés, perdus, blessés ou morts. Mais la poussière grise rendait leur tâche bien difficile. Ces hommes rudes et silencieux sifflaient tout en scrutant le sol aride ou fourrageant les buissons de leurs grands bâtons. Elena, restée au village du haut, entreprit de débattre l'âne. L'étal installé, elle y rangea soigneusement les cageots et paniers. Cageots de courges, tomates, bêtes et haricots d'un côté, paniers de mûres, deux de l'autre, et les fagots allongés à terre. Les villageoises étaient déjà là, se pressant sur la petite place. Son écharpe fut prise d'assaut. C'est que des occasions de parloter et commenter l'accident n'arrivaient pas tous les jours. Pas que les femmes soient mesquines ou cancanières, loin de là, mais elles connaissaient Elena et c'était leur manière à elles de lui témoigner du soutien. Les deux autres maraîchers vendirent moins bien pour une fois. En 2 heures, tout était vendu. Son carnet de commandes pour des choses du village d'en bas et de la ville était plein. À tout malheur, quelque chose est bon, comme dit l'adage. Elena était finalement satisfaite de sa persévérance, malgré l'adversité qui l'a touchée. Nan, de son côté, libérée de son fardeau, errait comme une âme en peine autour de la fontaine. Il s'approcha de la mégère, les naseaux bien écartés, allongeant le cou vers elle. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'avais attaché pourtant. Il souffla dans ses naseaux et secoua la tête. Mais elle ne comprend rien, celle-là. J'ai le ventre vide. J'ai droit à ma récompense. Anna y pense toujours. Puis elle rafraîchit mes pieds, mes jambes et vérifie mes fers. Elena essaya d'attraper la longe, mais l'âne leva la tête brusquement et recula. Il tendit à nouveau le cou et entr'ouvrit ses lèvres dans l'espoir qu'elle comprenne enfin. Mais Elena ne comprenait rien. Elle avait déjà rangé les fans de carottes, les feuilles de bêtes un peu ramollies dans un panier et même des morceaux de carottes. Elle s'avança fermement vers Nan, qui recula de plus belle. Il fit même mine de se cabrer juste un peu pour voir. Nan, qui mettait tout son cœur à lui faire comprendre qu'il avait droit à sa pitance, finit par renoncer, fit volte-face, envoya une petite botte et partit vers un autre étal. Il y brouta l'une ou l'autre feuille traînant dans la poussière. La femme était derrière lui. Elle s'approchait. Brusquement, il fit une cabriole et partit au petit trot en direction du chemin de retour. Bien fait, pensa Nan, les oreilles couchées sur l'encolure, sa longe entre les dents. Les naseaux pratiquement au ras du sol, il trouva une trace qu'il suivit là où Anna avait disparu. Il avait un peu mal au pied droit, mais il voulait retrouver Anna, sa seule amie, celle qui prenait soin de lui parlait à l'oreille pour dire des secrets qu'il ne comprenait pas toujours. Nan était vraiment têtu quand il voulait. Il tenait ça de ses parents. Livré à lui-même, il avait un peu peur aussi, mais il était vraiment motivé. Il inventa un nouveau style, les postérieurs en appui vers le bas et les antérieurs légèrement vers le haut. Il progressa ainsi en crabe tout en descendant pendant un petit temps. Il rencontra enfin quelques buissons dont il goûta les jeunes pousses délicieuses, oubliant un instant sa mission pour remplir sa panse vide. Chapitre 5. d'une aventure extraordinaire de l'auteur Lycaon.